Vous êtes satisfaite et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait et vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbare amas de vices de raison, de mots estropiés cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des halles. Qu'il est vrai que l'on sue à souffrir ces discours, et les met vos gelas en pièces tous les jours, et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Qu'importe qu'elle manque aux lois de vos gelas, pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes et redit 100 fois un bas ou méchant mot que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonnes soupes et non de beaux langages. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage. Et Malherbe et Balzac, s'y s'avancent en beaux mots, en cuisine peut-être auraient été des sots. Que ce discours grossier terriblement assomme. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme d'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels. Le corps, c'est tout guenille. Est-il d'une importance, d'un prix, à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps et moi-même. Et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille, mes chers. Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, doit être à le nourrir du sucre de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Ah, sollicitude à mon oreille est rude. Il puis étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien collémenté. Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et les charges barates. De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur. Commandant. C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre sollicisme en parlant vous irrite. Mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas. Et hors un gros plus tard qu'à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. M'ôter pour faire bien du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens. Et sans brimborions dont l'aspect importune, ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous, où nous voyons aller tous sans dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un haut de choses. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leurs ménages étaient tous leurs doctes entretiens et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, essayant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde, les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir. Et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir, on y sait comme vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point à faire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot, dont j'ai besoin. Mes gens à la science aspirent pour vous plaire et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison et leur raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon haut en lisant quelque histoire. L'autre rêve à des verres quand je demande à boire. Enfin, je vois paru votre exemple suivi et j'ai des serviteurs et ne suis point servi. Une pauvre servante au moins m'était restée qui de ce mauvais air n'était point infectée. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas à cause qu'elle manque à parler Vaugelas, je vous l'ai dit. Ma sœur. Tout ce train-là me blesse, car c'est comme j'ai dit à vous que je m'adresse. Je n'aime point séant ou vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des billevesées. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse au ciel, et d'armes et de langage. Est-il de petit corps un plus lourd assemblage, un esprit composé d'atomes plus bourgeois, et de ce même sens peut-il que je sois. Je me veux mal de mort d'être de votre race, et de confusion j'abandonne la place.